quand on parle d'Astérix, de Tintin, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde a eu entre les mains, a vu une BD, et quand on dit BD, tout le monde... Donc du coup, pourquoi avoir des tas de recherches sur Internet et rien sur la BD ? Et donc, c'est à partir de ce point d'entrée-là qu'on a développé ce livre sur la BD avec un angle un peu particulier. Alors ça s'appelle, le titre s'appelle « Art reconnu, média méconnu ». Art reconnu, ça n'a pas été sans mal, hein, puisqu'il y a des lois... Il y a encore une loi, la BD est encore soumise à une loi sur les publications sur la jeunesse qui fait qu'on peut censurer la BD en France. Mais aujourd'hui, la BD est rentrée dans les musées, les planches de Bilial coûtent plus de 200 000 euros. On a un BD, il y a Angoulême, il y a un BD Hergé, enfin voilà, il y a la BD est devenue... est un art reconnu, les revues Art Presse, etc., les revues d'art contemporain parlent de la BD. Donc c'est un art qui est aujourd'hui reconnu, et un média méconnu. Alors quand je dis la BD est un média, il y a beaucoup d'auteurs, puisqu'il y a eu dans ce numéro, il y a des chercheurs, mais aussi des scénaristes comme Franck Giroux, il y a aussi des auteurs comme Morvan Dio, ou des scénaristes comme David qui disent « Mais non, la BD, c'est d'abord un art. » Alors pourquoi la BD comme média ? Ça veut dire qu'est-ce qu'un média ? Un média, c'est d'abord un support, une technique. Et là, ben, on a cette fameuse planche. C'est aussi une industrie culturelle. Et ben là, on sait que l'industrie de la BD est une véritable industrie. Il y a une industrie culturelle, il y a des sommes d'argent qui sont engagées derrière. C'est aussi une médiation particulière. Et dans la BD, ce qui est particulier par rapport au livre ou au cinéma, c'est le jeu entre les images de l'auteur et les images qu'on a soi-même, le mouvement qu'on reconstitue. C'est le plus important, c'est sans doute ce qui se passe d'une case à une autre. Donc par rapport à un livre, dans un livre, par exemple Tolkien, Seigneur des Anneaux, on se fait ses propres images. Au cinéma, on subit les images de l'autre. Et dans la BD, c'est ce jeu entre une histoire qui nous est proposée et notre manière à nous de la lire, de la regarder, de l'appréhender, etc. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une anecdote. Quand on a mis Tintin, la première fois qu'on l'a fait en film, il y a Hergé qui a reçu plein de plaintes. Et la plainte, c'était... Tintin n'a pas la voix. C'est pas la voix de Tintin. Alors que, donc ça vous dit bien comment ce jeu particulier se fait dans la BD. Et puis on peut même pousser plus loin le parallèle avec le média, puisque dans la BD, il y a aujourd'hui toute la BD de reportage, avec le travail de Josaco sur la Palestine. J'ai oublié son nom, mais ce qui est fait aujourd'hui sur Mururoa, les essais nucléaires... Alors, c'est du véritable travail de reportage. D'abord, Dabic était lui aussi journaliste avant d'être scénariste de BD. La revue 21 publie de la BD reportage, donc il y a cette rubrique reportage. Et puis même, si on met dans le média programmation, on voit bien qu'il y a de plus en plus de BD qui sont... on a une programmation dans le temps, sur Uchronie par exemple. Voilà, on a trois scénarios. Giroux qui fait ça beaucoup là, sur Destin. On a une programmation, c'est qu'on va avoir 12 BD qui servent dans tout. Donc voilà, on peut considérer d'un point de vue scientifique la BD comme un média. Et puis empiriquement, on se rend compte que la BD est de plus en plus considérée comme un média, puisqu'il y a des BD de prévention du sida, du diabète, etc. Que les écologistes nous font des BD sur le nucléaire, qu'on a des BD politiques de plus en plus, que Marx... est traduit en... Il y a une BD sur Marx et le Capital est devenu un manga. Donc on voit bien que la BD est devenue un média, que les entreprises, de plus en plus d'entreprises sur le développement durable communiquent en interne. Michelin a fait éditer une BD sur le développement durable, que le Parlement européen avait fait une BD pour présenter une fiction, pour présenter le fonctionnement du Parlement européen. Donc c'est un média à part entière. Et une des hypothèses que j'ai eues, c'est que ce média, au fond, c'est l'exact reflet de la télévision. Alors c'est peut-être un peu bizarre de présenter comme ça, mais au fond, on a deux pourquoi l'exact reflet? Parce qu'ils sont tous les deux populaires et tous les deux ont été souvent décriés, enfermés dans une espèce de si c'est populaire, c'est pas bon. Alors, c'est comme tout, à la télévision, il y a aussi bien Arte que Qui veut gagner des millions, donc il y a effectivement, mais dans les BD c'est pareil, hein. il y a des chefs-d'œuvre, puis il y a des choses qui sont un peu moins, quand même un peu moins bonnes. Pourquoi reflet inversé? Parce que à la BD on reconnaît l'art, mais on méconnaît son côté média, et à la télévision c'est l'inverse, on reconnaît facilement que c'est un média, et on gomme son côté esthétique. Or, qu'il y a toujours un travail esthétique, même si on ne s'en rend pas compte, il y a toujours une manière de cadrer, de filmer. Et même sur un match de foot, on voit bien qu'il y a des différentes manières de filmer un match de foot, des esthétiques. Et donc, ce qui m'avait intéressé, c'est à la fois, comme c'est populaire, c'est décrié, mais que c'est inversé. Dans les deux cas, on ampute d'une partie de leur identité, les médias. Donc la télévision, on ne reconnaît pas son côté esthétique, et à la BD, on ne reconnaît pas son côté média. Ce bouquin, il se présente en trois parties. La première partie, ça définit ce qu'est, ça essaie de définir la BD, mais d'une manière contradictoire. Hein, il y a des Dominique Volton parle de la BD, et pour lui, c'est pas un média. D'autres personnes défendent l'idée que c'est un média. Donc, on a essayé de faire une approche plurielle. Et on a défini la BD aussi bien des travaux, des approches historiques que des approches sociologiques. La deuxième partie est consacrée, que je vois un petit peu. La deuxième partie, ça s'intitule La BD sort de sa bulle. Ça explique toutes les dimensions de la BD aujourd'hui. Que la BD aujourd'hui, ben justement, c'est plus 48 planches cartonnées, qu'on a des albums de 2000 pages, que la BD aussi, on en parle beaucoup, on a de la BD sur Internet, on a des blogs, on a des animations, des publications gratuites sur des blogs de BD, donc on s'attache aussi. Et puis on s'attache aussi à la circulation aujourd'hui entre BD, cinéma et jeux vidéo. Il y a tout un article sur cette circulation-là. On voit bien, par exemple, des choses comme Tomb Raider ou La Guerre des Étoiles, comment c'est un film, puis une BD, puis un jeu vidéo, et inversement. Et comment, ce qu'on appelle du mot savant, d'intermédialité, comment tout ça circule, comment aujourd'hui on a des dessinateurs BD qui se consacrent à créer des jeux vidéo. Hein, donc ces deux industries, comment elles s'articulent. Donc la deuxième partie, c'est de montrer la diversité, c'est de parler aussi bien de l'association que de la BD de reportage, que des journaux intimes par BD, enfin de montrer toute la variété, essayer d'ouvrir l'esprit, de montrer que la BD c'est Tintin, c'est Spirou, mais aujourd'hui c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes. On a l'affiche d'ailleurs de Comics 2000 sur la porte là-bas de l'association, parce que tu as cité l'association. Oui, donc Franck me dit qu'il y a une affiche sur Comics 2000 de l'association qui a aidé en France à renouveler le regard qu'on pouvait avoir sur la BD. Et puis dans la troisième partie, c'est BD et lien social. C'est montrer comment, comme tout média, la BD participe de la construction du lien social. De deux manières. D'une part, toute BD est reflet d'une culture. Ben, une manga, les mangas japonaises reflètent la culture japonaise. La BD franco-belge reflète la société française. Et ben, évidemment, les BD, les comics américains reflètent ça. Alors, et puis on voit aussi que du coup, le monde circule, le monde bouge, le monde se globalise. Et on voit aussi les influences réciproques du comics sur le manga, du manga, parce que le manga a été très influencé au départ par les comics. Aujourd'hui, les mangas influencent beaucoup la BD française, mais la BD française a beaucoup influencé la BD américaine, Gottlieb notamment, a influencé pas mal de personnes outre-Atlantique. Donc il y a une espèce de circulation qu'on essaye de voir comme ça, qui est le reflet. Et on a par exemple un article sur la BD africaine. Ben, on voit bien tout de suite que la BD africaine, on voit bien que c'est une BD qui est un peu différente de la BD française. Donc, la BD crée du lien social, elle reflète une culture. Et puis, la BD, on le voit bien ici, ben, autour de la BD, se passe plein de choses. Il y a des fanzines, donc il y a des gens qui se montrent sur des fanzines. Il y a des blogs, il y a des gens qui créent des blogs, donc ça crée des liens. Il y a des gens qui font des festivals de BD, donc là aussi, ça crée des liens. La BD nous parle de plus en plus de politique aussi. Donc voilà, la BD, comment la BD à la fois crée du lien social et reflète le lien social d'une société. Et bien pour terminer ce court exposé et susciter des questions, ce qu'on a essayé de faire dans ce bouquin, la revue Hermès, c'est une revue classée A au CNRS, donc c'est une revue prestigieuse, une revue en principe élitiste, c'est une revue de spécialistes pour les spécialistes, ce que c'est normalement. On a essayé de dépasser ce numéro, on l'a fait un peu particulier. D'abord, c'est le seul numéro où il y a, pour ça que c'est un numéro collector, c'est le seul numéro où il y a un dessin, c'est le numéro où il y a des illustrations, il y a quelques planches, et notamment, j'avais demandé à Morvan Andiot, plutôt que de faire un article sur la BD d'auteur, de faire 4 planches, donc on a 4 planches illustrées. C'est un BD, c'est un bouquin en plus qui va être bientôt épuisé, parce qu'on ne l'a pas tiré à de nombreux exemplaires et on n'arrive plus bientôt à le trouver. Mais c'est un ouvrage qui... Voilà, les planches de Morvan Andiot. C'est un ouvrage qui ne se veut pas un ouvrage de spécialiste pour les spécialistes, mais un ouvrage qui se veut pour les curieux. Et on a constitué, il y a près d'un tiers des articles qui ont été faits par des gens qui ne sont pas des chercheurs, donc par des scénaristes, par des gens qui ont créé leur boîte de com sur la BD. Et en plus, on a fait et quand c'est des chercheurs, c'est pas forcément des spécialistes de la BD. Il y a par exemple un article de quelqu'un de Clermont-Ferrand qui montre comment aujourd'hui il utilise la BD dans un cours de RH en commerce international. Donc comment on peut utiliser la BD, Astérix et Obélix, pour donner du sens. Donc on a, en gros, l'idée de ce bouquin, c'est de dire, la BD, regardez-la autrement, il y a plein de choses. C'est essayer de changer le regard sur la BD, d'ouvrir des pistes au niveau de la recherche, et ouvrir les pistes en disant, mais plutôt que de se poser là toujours la même question, la BD est-elle un livre, est-elle un langage particulier, il y a des milliers de façons de voir la BD. Est-ce que la BD est un média? Comment la BD crée du lien social? Comment la BD et pédagogie? Les rapports entre BD et cinéma? Enfin voilà, donc on ouvre les pistes. Et pour les personnes amateurs de BD, ben, c'est de leur dire, la BD c'est quelque chose, allez-y, explorez. Il y a encore plein de choses à voir. Et c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir et qui nous rend à la fois... C'est un plaisir, en gros, et je terminerai par là, la BD est un plaisir qui rend intelligent. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions? Pas de questions? Moi, j'en aurais une. Allez, Franck. Alors, si dans le public on n'a pas de questions, je vais me considérer comme faisant partie du public. Je voulais te demander dans quelle mesure vous aviez organisé ce colloque il y a un an maintenant quasiment à l'université, à Rouen. Et je crois savoir qu'il y a des actes aussi qui vont être publiés. Donc, dans quel contexte le bouquin par rapport au colloque a été publié, puisqu'on va avoir deux ouvrages. Donc, moi je suis. Il faut le savoir, à Rouen, il y a un groupe de recherche sur l'économie solidaire qui fait partie aujourd'hui d'un programme du pays rouennais de développement. Et dans le cadre de ce travail, on cherchait un angle original pour parler d'économie solidaire. Donc on a développé, j'ai créé un colloque qui s'appelle BD et solidarité. Et on parlait notamment de comment la BD crée des liens sociaux et comment aussi la BD parle d'économie et comment aujourd'hui on utilise la BD. Il y a des BD sur le commerce équitable, des BD sur l'économie solidaire, il y a 3-4 BD là-dessus. Et donc on a essayé de lier un peu les deux, et on a fait un colloque, et on a réussi à trouver de l'argent là-dessus, parce que les gens se sont dit, c'est sympa, BD solidarité, ce n'était pas deux mots que je lis ensemble. Et on a fait venir des chercheurs de la France entière, qui sont venus à Rouen, qui ont découvert l'hospitalité rouennaise, et on a mis... Tous les actes de ce colloque sont en ligne. On a demandé de faire une communication, c'est en ligne. Pour le trouver, il faut aller sur le site de l'UIT de Rouen. Sur le site de l'UIT de Rouen, vous allez à la rubrique recherche, et sur recherche colloque, et vous avez les actes de colloque. À partir de ces actes de colloque, on a fait deux choses. D'une part, je me suis servi d'un peu des personnes qui étaient là, je leur ai demandé de réorienter les papiers pour faire la troisième partie de cet ouvrage. Donc le colloque a donné naissance à la troisième partie de cet ouvrage. Et d'autres textes qui ne rentraient pas dedans, où les gens n'avaient pas le temps de le faire, etc. On a retravaillé, et cette fois-ci, c'est Sandrine Le Pontois et Jérôme Dutuel qui le font. On est en train de s'en occuper. Alors ça prend un peu de retard parce que Sandrine a fait un deuxième enfant. Donc c'est des choses qui perturbent, qui ralentissent un petit peu le travail. Mais en même temps, c'est très bien. Et donc là, en octobre, sortira un ouvrage. On a redemandé à d'autres personnes de retravailler les choses sur PDLIA Social, et plus on a sollicité des personnes qui n'étaient pas à l'origine, et on aura à nouveau 15 auteurs. Et j'espère que pour le prochain salon, il fera beau, et je vous présenterai, j'aurai le plaisir de vous présenter le nouvel ouvrage qui sera publié sur BD, mais là, beaucoup plus centré sur BD et Lien Social. Est-ce qu'on a des questions cette fois-ci ? Pas spécialement. Moi, je voulais remercier donc Eric d'être venu nous présenter ce livre. On voulait pas faire, enfin lui ne voulait pas faire en tout cas un cours universitaire, vous l'avez compris, donc c'est plutôt sympa dans le cadre de ce festival. Juste préciser que pour ma part, moi je me suis retrouvé associé à ce bouquin comme amateur de bande dessinée, publiant quelques articles en ligne et dans quelques fanzines. Donc voilà, j'ai été sollicité lors du colloque pour écrire un peu, participer à ce livre, et le petit article, la petite participation humble concerne en fait un chapitre qui s'appelle Web et bande dessinée, un panorama critique en fait, qui explique que sur le web, on peut trouver différentes façons de parler de la bande dessinée, les blogs d'auteurs, qui sont de plus en plus nombreux, qui publient en ligne en fait leurs œuvres, qui sont assez, on va dire, regardés, des sites portails, qui sont en fait des sites qui regroupent pas mal d'informations pour rediriger vers la vente de bande dessinée la plupart du temps, avec un petit aspect critique, mais plutôt publicitaire, on va dire. Les sites critiques eux-mêmes qui sont non professionnels, souvent et généralement liés à des fanzines, et donc faits par des amateurs, mais qui ont su suffisamment bien s'organiser pour faire des sites bien faits et intéressants, qui deviennent incontournables. Et les blogs d'amateurs éclairés, alors là on a affaire à des gens tout à fait pas professionnels tels qu'on l'entend, mais qui font des choses très intéressantes et qui au final, en les cumulant, nous donnent des ressources informatives très intéressantes. Puis à côté de ça, il y a des grands noms de la critique officielle comme Thierry Grandstein ou Harry Morgan, Didier Pazamonic, d'Actu ABD, qui ont fait des sites depuis le début des années 2000. Et là, par contre, qui sont vraiment des sites ressources et de référence, qui renverront parfois d'ailleurs sur d'autres sites que j'ai cités, mais qui sont vraiment incontournables. Donc voilà, c'était une petite participation de 2-3 pages. Rien de bien méchant, je ne suis pas du tout chercheur, mais j'ai été en tout cas honoré de pouvoir participer à ce livre qui pour moi fait référence maintenant, même s'il est publié dans une collection qu'on pourrait juger élitiste, en fait c'est rien à voir. On en a 5 exemplaires ici, donc n'hésitez pas à vous relever dessus, parce que comme disait Eric, il va être épuisé bientôt. Voilà, ça c'est de l'avance. En vous remerciant en tout cas de votre attention. Et merci à vous. Tiens, Jérôme, on va parler de toi.